suis le ver et je suis la chair. Je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. C'est lourd. Tu peux m'aider à porter cette planche? Mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Bon, je te rappelle qu'on va construire une cabane pour la nuit. Un camp. Mais on n'a pas le temps dans ce cas de faire une cabane. Il faut plutôt ramasser des fougères, tu crois pas? Bah, si t'y tiens, mais c'est bien lourd et on va pas en faire grand chose. On pourrait tout aussi bien aller dans l'une des cahutes qu'il y a autour. Mais de quoi tu parles, l'ami? Des maisons qu'il y a autour. Il n'y a que de l'herbe. Elle monte sacrément haut, ton herbe. Mais t'as vu qu'on l'appelle fou vert, hein? Pas tenir longtemps. Non, j'ai aucune envie de percer les doigts avec des vieux clous tout rouillés. Mais t'as vu que tu vas attraper la malmort à manipuler ces vieilles... Et puis il y a plein de bestioles de vermine dedans. C'est pire que le poil de ton pandas. Parle pas de Pandarouk. Pourquoi j'en parlerais pas? Il est là. T'as bien le droit d'en parler, hein? Regarde, il y a plein de bestioles qui bondissent dans les broussailles de son poil. Ouais, j'ai pas envie de le caresser, c'est une infection, cette bestiole. Et tu sais, c'est comme tous les animaux, ils ont des bêtes dans leur poil. Bah, il a beaucoup d'amis, hein, ton copain. À ce train-là, il a vraiment beaucoup d'amis. Hein. Silhouette! Vu qu'il y a monsieur qui veut pas que le panda Asrouk ait des pupus, tu peux lui en retirer? Merci. Je croyais que Silhouette, il m'envait des sauces saines comme... Mais oui, mais c'est juste il va retirer les puces pour les écrabouiller avec... Et après, mais il mange pas les pupus. Ah, mais ta vie, ils vont revenir, hein, la vermine, et puis il va y passer des heures. On sera arrivé au cœur de nuit qu'il aura pas ôté toutes les puces de ton animal, hein. Critique toujours, c'est ça. Je critique pas toujours. Je vois la réalité telle qu'elle est. Je l'envisage. Tiens, c'est bizarre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas revu Barnabé la taupe. Bah, il y a probablement trop de lumière pour elle. Elle est habituée au tréfonds de la maison aux feuilles. Oh, regarde. Il y a un trou. Moi, je regarde plus dans les trous. Hein. La dernière fois, ça m'a pas porté sens. Hein. Souviens-toi. On regarde dans le trou et puis on sait pas ce qui se passe. Et tout à coup, on est projeté dans le ventre de la terre. Et là, on sent des choses bizarres. Et qu'est-ce qu'il en dit, ton pandas, hein? Lui, il est d'accord pour aller farfouiller. Bah, ils l'ont dit qu'il mange des feuilles, comme d'habitude. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai oublié son nom. On lui avait déjà donné un nom. Bah, tu l'appelais Breloque. Non. Ce n'était pas ça. Hé, hey, breloque, là. Sa capuce, ça va, hein? Non. Feuille. Ça, il en mange des feuilles, hein? Bon, on peut l'appeler feuille. Pleine de vermine. Toute moisie. Arrête de critiquer. Regarde-toi avant de critiquer. Ah bah, moi, je sais que je suis pas très propre, mais... J'ai peut-être des poux, mais j'ai pas de puce. Parce que je suis courageuse, affronte les frimas. Et les frimas, eh ben, ils me font même pas frissonner. Il y a que la peur qui me fait frissonner. Ça, oui. Je pense vraiment que Barnabé et la taupe n'est pas loin. Il y a des trous qui se forment hors de partout, toutes les minutes, quand on tourne l'œil. Barnabé. Tu vois, il est là. Oh tiens, pourquoi il nous tend une feuille? Tiens, je te la donne. Peut-être qu'il y a quelque chose. Oh, il y a un dessin dessus. Hop. Des feuilles, il y en a plein partout. Mais regarde, il y a un dessin dessus. Ouais. Les nervures, elles dessinent toujours des choses, elles veulent pousser, elles veulent... Tourne la feuille. Apporter des choses au dehors, au dedans. Tourne cette feuille, tu vas voir quelque chose. Tourne cette feuille. Le temps est indécis. Les nuages amoncelés toute cette journée. On finit par s'effondrer en une brume qui occulte jusqu'au soleil. De timides rayons irisent la nuit qui vient lécher le sol spongieux qui entoure l'îlot. Des masses d'eau, d'importantes masses d'eau, étalent. Aucun vent ne souffle. Aucun vent ne vient même rider la surface. L'eau est telle une masse. Elle emprisonne ce qui est en son sein. Elle lutte, elle étouffe les racines que tant forêt qui avance. Ces racines ont gagné la moindre parcelle de pierre, la moindre ruine des hommes. Ouvrant des perspectives, ouvrant des pistes sur lesquelles chemine affairée la population de cette Venise engloutie par les eaux. Par endroits, sur les îlots de forêt qui émergent des eaux, pas celles de la mer, émergent des bâtisses, des restes de la grandeur de la cité. Au sommet de chacun de frêles éoliennes, se tiennent immobiles, sentinelles guettant le vent qui ne vient pas. Seuls des nuages légèrement dorés s'amoncellent. Les nuages que guettent semeuses et averseuses, celles qui savent où planter les graines et quand récolter les semences pour aider notre forêt à nous protéger des eaux mauvaises, des eaux qui rongent, des eaux qui lavent nos souvenirs les uns après les autres, les eaux qui emportent le bois pourri, les souvenirs épars que les hommes n'ont pas su entretenir. Sur ces eaux immobiles, comme dit la gouette, leur rhapsode des temps chimériques, une gondole, c'est un cercueil avec des rames. Ces vies inutiles s'agitent dans la grisaille environnante. Ce sont des morts en sursis. Une vie inutile est une mort anticipée. L'étalement anarchique des ruines mêlées aux avancées de la sylve, la vie des hommes se manifeste à leurs propres yeux, sont des instincts de croissance, de durée, d'accumulation, d'accumulation de force, de puissance. Là où est le siège de leur volonté. Des nasses de fougères s'aventurent au loin sur les eaux. Tentent de reconquérir ce que le moto d'osso a ôté à la cité. Il ne reste plus que des murs épars, rongés, lépreux, blancs, sales, souillés comme le ciel. Les hommes attendent les pluies libératrices, les bonnes pluies, celles qui donneront à forêt ce dont elle a besoin. Les semeuses ont disséminé leurs petites mains. Les petites mains vigilantes qui guettent dans les crottes sur le sol, les graines qui pourront alimenter la réserve de la cité et assurer un avenir à celle-ci. Les hommes insignifiant regarde l'immensité des eaux. Les enfants qui courent les terres encore immergées, à peine immergées ou encore émergées. Paraissent d'une taille minuscule comme des insectes, écrasés par la grandeur évanouie du lieu, le temple où l'on envoie ceux qui ont trop souffert, ceux qui doivent renouer avec la voix des ancêtres. Ceux qui ont su traverser la voûte dense de ces nuages annonciateurs de pluie diluvienne. L'une de ces montres du temps jadis, pas même rouillée, qui, lorsque les hommes de son remontoir égrène le temps d'un tic-tac lancinant, un tic-tac annonciateur de leur perte. Alors que Léo s'assure que le temps s'écoule encore, qu'il peut le mesurer, il le tient en sa main. Albert, le rejeton du bois torse nu, se tient sur la grève et observe attentivement une cosse, un rejet noirâtre qu'il manipule, qu'il cherche à ouvrir comme si la cosse recélait en son sein un trésor précieux, gage de l'avenir de la communauté. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche. On est là pour ça. On doit fouiller les décombres de ce... cet endroit du temps d'avant, avant l'effondrement, pour voir si on peut trouver quelques... Hein, t'as parlé de temps ? Que dis-tu ? As-tu parlé de temps ? Le temps ? Tu reviens avec tes vieilles lubies ? Ton tic-tac ? Tic-toc le sinoc ? Ôte-moi ça d'un rire. Hein ? Je pense que la gouette y serait d'accord. Notre absode. Le rire est le propre de l'homme. Tant que tu peux encore rire, c'est que t'es pas passé parmi les autres. Ouais, mais j'ai le droit de rire du coup. Ben, moi, j'ai plus soigneusement à la recherche d'une graine précieuse qui pourrait intéresser la semeuse. Hein ? Parce qu'on est là pour ça. Pas pour batifoler au bord de l'eau. Même si parfois avoir les pieds dans l'eau, c'est mieux que les avoir dans le... Hein ? Dans le quoi ? Bah je sais pas moi. Mais dans les champignons qui poussent dans les cases, c'est pas toujours très agréable. Champignons par-ci, champignons par-là, champignons partout. Il y en a aussi dans l'eau et sur les murs. Vois-tu, je trouve aucune graine. C'est pas bon signe, tout ça. Bah, c'est que c'est pas ici, tout simplement. On a bien suivi les indications de la semeuse. Hein. On a suivi le grand chemin jusqu'au quai. Et après... On a pris l'un des cercueils et on s'est laissé porter par le courant et on a échoué sur cet îlot près du vieux sanctuaire. On est devant le sanctuaire et c'est là où on devrait trouver les réserves de graines pour son arboretum. Peut-être que c'est cette montre que j'ai vu tomber. Elle ressemble fort à ton tic-tac de Sinoc. Hein? Non, pas touche. C'était pour m'assurer si c'était le même tic-tac. C'est ma montre, pas touche. Ouais, bah écoute hein, alors, mais je la tiens. Tu veux la garder ? On sait ce que ça t'a valu, là. Voilà, c'est bon, t'as assez écouté. T'as failli devenir la fauve de la verseuse. Et on tient simplement à notre ingéniosité que ce soit pas le cas. Et que t'es plus échappé. Qui dit que c'est la même ? Bah. Et il me dit que tu l'avais dans ta poche. Je l'avais pas dans ma poche. Elle est tombée. Je l'ai vu tomber. Ah, tu l'as retrouvé. Non, je l'ai vu tomber d'un endroit où je n'ai jamais été. Ou que t'as oublié que t'avais été. Mais... Quand tu parleras mieux, peut-être que je t'écouterai. Bah, mais là, j'ai plus à écouter cette montre. Je parle d'or, comme on dit. Hein ? Moi, je suis un conteur. Un conteur de quoi ? Bah, je raconte les temps cimériques de l'avant, comme m'a appris le rhapsode. Tiens, bizarre. Je l'ai trouvée dans l'eau, elle est pas rouillée. Eh oui, parce que tu y es mis il n'y a pas longtemps, c'est ce que je te dis. Ton cerveau, c'est une passoire, moi, je te dis. Hein ? Tous tes souvenirs, ils coulent au dehors et vont se répandre dans la rivière. C'est le mouton d'osso qui t'a ronzé le ciboulot. Et toi, tu crois qu'il t'a fait quoi? Il t'est percé par le trou du front? Mais moi, ça compte pas parce que je suis au-delà de ça. J'ai été investi du pouvoir des esprits et des ancêtres. Et je parle. Ça fait tout malin. Je parle plus tant et fort que je serai plus tard un grand rhapsode. Comme la gouette. En attendant, t'as toujours rien trouvé. Bah, j'ai pas trouvé de graines, je te l'accorde. Mais, je sais pas. Bon, la journée n'est pas finie. On n'a pas encore rangé le soleil. Regarde, on devine encore en au travers de la brume. Oh, regarde, il y a une dague. Je la prends, moi. Moi, je la garde au cas où. Toi, tu es prompt à dire que j'ai rien trouvé, que j'aurais les yeux d'un aveugle qui ne sait pas ouvrir son cœur sur le monde. Mais tu vois, moi, j'ai les mots du rhapsode qui ravissent l'âme de celui qui écoute. Alors, je suis encore petit, j'ai pas encore tous les mots, mais j'entends le sang de la nature et je devine les sons. Bientôt, je serai le plus grand rhapsode et on viendra de très loin jusqu'à notre Venise pouilleuse pour écouter mon récit du temps d'avant. Parce que j'écoute les voix qui résonnent au-dedans. Mais non, je suis pas un frimeur, je suis un rimeur, je suis le nouveau goète de Venise. Frimeur, frimeur, frimeur, frimeur, tu te la pètes. Tu fais ton malin, tu fais ton malin, D'abord que moi je serais pas un grand gouette. J'ai pas dit ça, c'est juste que depuis tout à l'heure tu dis ça, tu dis ouais je serais le meilleur du monde, etc. Ça s'appelle faire son malin, se la péter, faire son frimeur. Mais tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir le trou au front. Et d'être encore parmi les vivants. Ce trou me donne une prise sur le monde d'avant. L'air s'engouffre et vient tourbillonner dans mon ciboulot. Et le sang résonne. Et j'entends toutes les feuilles des arbres bruisser à mon oreille. Bah, comme ça, tu pourras en rapporter à mon. D'un scroop à ben, feuille. Je veux pas qu'il me bouffe mes mots. Si j'ai plus les mots, qu'est-ce que je ferais? Hein? Attends, j'ai quoi? Besoin des les mots. Feuilles, c'est des mots? Les feuilles, c'est des mots aussi. Elles me chuchotent. Elles me fofotent des mots. Bah, quand tu à l'oreille. Quand tu les as entendues, tu les donnes à mon panda rouquier, voilà. Et qu'est-ce qu'il en fera ? Ces crottes en seront-ils meilleures ? Ces crottes, on trouvera des plus belles graines ? Tu crois ? Tu crois ça, toi ? Tu sais, des fois, il fait caca, hein. Et peut-être qu'il y a des graines dedans. Si c'était pas le cas, on ne demanderait pas de ramasser les crottes des animaux pour les ramener les graines à la semeuse et les mettre dans l'arboretum. Mais c'est pour ça qu'il faut donner des Mais moi, je préfère aller chercher dans les feuilles, dans les cosses, dans les gousses, parce que là, il n'y a pas le caca, même sec, ou encore imprégné de l'humidité de la rosée. Et puis, ça sent à l'oreille. Écoute la cosse, le son de la cosse. T'es pire que fou du ciboulot. Mais non, je suis pas fou du ciboulot. C'est un trou dans mon front. Je suis un fantôme au front troué. Et c'est ainsi que les mots des anciens s'écoulent au-dedans de moi. Bah non, ils partent par tes oreilles. Mais pas par mes oreilles. Bah si. Et toi, quand tu tic-tac-toc le sinoc, que fais-tu d'après toi ? Je fais ce que je suis. Je fais ce que je dois faire. Je fais et ce que tu dois faire. Et que tu ne fais pas. Et tu crois que le ton pandas que tu promènes avec toi, il a toujours été un pandas ? Hein ? Comment qu'ils les appellent, les autres ? Les hommes des bois. Hein ? Moi, mais t'as vu que c'était le Vladimir qu'on devait retrouver dans la forêt des feuilles. Qui s'est dans trouvé... la maison des feuilles. Qui s'est trouvé tout maravouté par les mots de la verseuse et que maintenant, il nous scie des graines. Et qu'en fait, t'es tout namorassé de ton animal et qu'en n'est pas un parce qu'il ressemble furieusement à un homme, moi je dirais. À un homme pouilleux, plein de vermine, qui a oublié qu'il était un homme, mais un homme quand même. Maintenant, il mange des feuilles et il respire et il doit suer de la sève. Il est devenu le bois. Mais c'est ça, un vrai Orla. Parce que il nous écoute quand même. Il comprend tout ce qu'on dit. Hein, Vladimir ? Hein, que t'es pas la feuille que tu manges. Que t'es le Vladimir qui s'est oublié. Moi, je suis sûr que c'est un Vladimir, ce gars. Que c'est le Vladimir qu'on devait attendre à l'entrée de la maison des feuilles. Et que on a mal fait. On a mal fait. Si t'écoutais, ils auraient pas dû t'écouter. Encore une fois, si t'écoutais, ils auraient pas dû. Tu as tout compris, mon gars. Que si tu vas farfouiller sous ses longs poils hirsutes qui lui dégoulinent sur la nuque, bah tu trouveras encore, je sais pas moi, une cravate du temps jadis où il était au service des hommes. Tu peux arrêter avec tes discours barbants. certains la vérité si sinistre qu'ils veulent... entendre que les mensonges, parce que les mensonges sont doux à leur oreille et qui leur fleurissent le monde. Pas de cravate. C'est quoi le bout de tissu qu'il a autour du cou? Sérieux, il a pas de bout de tissu, c'est des poils. Bah, farfouille si tu l'oses, parmi la vermine et... D'accord. Il y a toujours rien. Rien. Qu'est-ce que c'est étonnant? Et ça, c'est quoi? Bah, ça, c'est une écharpe que t'as trouvée par terre. Mais non, c'est ce qu'il avait autour du cou, le brave gars. Qui a même pas crié quand j'ai dit son nom, tellement il l'a oublié. Hé, Vladimir, réveille-toi, reviens parmi nous. Et alors tu seras comme moi. Tout est lié. Tout est lié. Comment l'entends-tu? Comment la ressens-tu? Je la ressens comme si on m'avait dit le bon chemin. Tiens, un dé. Donc, moi, je vais devoir manger des feuilles. J'en ai du coup. Hop. Des nombres. Des nombres qui font le monde. C'est la voix qui fait entrer les fantômes dans mon front troué. Les cris, les murmures dans les caves de la cité. J'entends les gens qui autour de moi vaguent à leurs occupations et le vieux subricargue qui me dit hé, gamin, la vie c'est rasoir et inutile. Au départ, on est plein de rêves extraordinaires. Et puis, on se retrouve assis dessus. On se rend compte qu'on va tous y passer sans avoir vraiment trouvé les bonnes réponses. On prend au sérieux toutes les théories à 100 litres de salive. On s'assèche la bouche comme au temps où la Venise n'était pas noyée sous les eaux jaunes et sales qui rejettent le bois. Il y avait ces perles roses qui émergeaient du sol. Écoute-moi bien, gamin. Quand on avait encore ces perles, notre ville tenait dragée autre aux eaux. On nous enviait de par le monde. Ah, certes, on manquait d'eau, mais pas de sel. Et le sel dans la vie, ça y fait beaucoup. Nous avions gorge sèche. Nous avions le sel qui coûtait tous nos plats. C'est nos propres vies qui servent, mais sous d'autres formes. Et puis, jamais, gamin, ils nous ont musclé les pattes. Avec nos propres vies, ils se servent de nous comme... C'est pas moi. Il y avait des hôtels. On circulait dans de beaux atours. Il ne reste plus que des fripes. Et on est condamné à pomper. Pomper, toujours pomper. En deux mots, ta vie est courte, gamin. Décevante et ensuite tu meurs. On occupe nos vies avec la merde. On pompe sans arrêt. Pour nous faire croire qu'on a un peu d'importance, qu'on donne un avenir à cette ville. Mais crois-moi, tout ça c'est de la foutaise. C'est de la merde. On pompe de la merde. Ça me laisse tout chose. Ce petit cube d'os, je sais pas dans quoi on l'a taillé. Peut-être qu'autrefois on mangeait autre chose que des cosses, des champignons, pour avoir autant d'eau. Ça appartenait à quelque chose de vivant. Quelque chose qui attend son tour. Quelque chose qui nous observe. Quelque chose qui vient noircir mon esprit comme quand on était dans le noir, dans le ventre. Tu te souviens quand on était dans le ventre noir? Qu'on cherchait les cailloux, des cailloux pour exhorter les esprits à quitter notre front. Tu t'en souviens, Léonard? Hey! Toc toc! Toc toc! Le Sinoc, ça résonne ma main sur ta tête. Mais il me reste encore 300 feuilles à manger, oh! Tu te souviens du temps où on était dans le ventre de ce grand navire? Tu te souviens? Non. Même que t'avais trouvé ce bouton. Ce bouton. Regarde, moi je l'ai gardé. Tu m'avais dit que c'était un trésor, qu'il fallait que je le garde précieusement. Ah, tu peux toujours essayer de le manger, hein. Je l'ai su sauter, hein, tout m'en fout, mais je l'ai pas digéré. Moi je te rends ton bouton et ton démaudit. Parce que m'est avis que ce dé y renferme la frivolité des hommes. Et que c'est le moyen de convoquer les esprits et de nous condamner à devenir comme le Vladimir. Ah, bah cool. C'est bon. C'est bon, les feuilles. Vraiment très bon. Avec ce bouton nacre, c'est un peu notre trésor d'enfance que je te donne. Je te rends tes souvenirs. Prends-en soin. Si tu l'avales, peut-être le digéreras-tu et que ton passé te ressurgira dans l'esprit pour chasser le trouble du présent. Souviens-toi, on était dans le ventre de la bête. Un ventre noir, suintant, ça goûtait. Plac, plac, comme l'eau qui glougloute autour de nous. Mais une eau différente, une eau toute noire. Tu t'en souviens, Léonard? Non, je me souviens que des feuilles. Arrête de me dire que je me souviens de ça, je m'en souviens pas, je me souviens juste de feuilles. Alors, avale le bouton que je te donne, et tu t'en souviendras vraiment. Avale, te disent. Il est bien gros pour sa gorge, je te l'accorde, mais il contient tout le souvenir de notre aventure dans le ventre de la bête. Ouais, bah c'est pas bon les souvenirs. Alors suçote-le en essayant de penser à la bête. Peut-être que ça t'éloignera de ton idée. Et c'est pas bon que tu gardes le siphon qu'il avait autour du cou, le vieux Vladimir. Tu vas devenir comme lui, tout lent, tout mou, complètement recouvert de lichen, à tel point qu'on devine pas le lichen du poil. Tu vas devenir un panda frouk, condamné à l'automne de tes souvenirs. Oh. Oh, ça y est, ça commence, j'ai des poils qui poussent. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Tellement bon les feuilles. Sans la pierre. Hein, quoi? Sans la pierre. Ça sent pas la feuille. Touche la pierre. Touche. Éprouve. Éprouve sa minéralité. Hein? Pose ta main à plat dessus. Sens-la dans ta paume. Elle se réchauffe. Elle se réchauffe à ton humanité. Mais je suis pas gagné. Il faut que tu me dises un chant maintenant. Pourquoi? Pour que tu ne deviennes pas l'homme de bois. Pour que tu ne deviennes pas ce rook qui s'oublie à lui-même. Feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille, feuille. Voilà, j'ai chanté. Où j'en ai une autre? Champignon par-ci, feuille par-là. Arbre partout, champignon par-ci, feuille par-là. Arbre partout. Pinceau noir du temps, tu vas tracer ton chemin sur la pierre. Mon chemin? Mon chant? Ton chemin sur la pierre. Hein? Figure les feuilles qui sont ton parcours. Chaque feuille est un symbole du temps ou de ce qui en toi t'ancre dans ta réalité d'homme. Dessine. Forme un arc, le cercle de ton parcours. Qui étais-tu à devenir pandasque, à oublier ton titre d'homme? C'est fait. Je dois en faire 7. Je le fais où? Écoute le défilement du temps. Mais c'est des écritures mésopotamiennes. Thank you. importe que ce soit sur la face offerte au soleil, que tous tes symboles figurent. C'est ton signe au monde, ton appartenance à ta condition d'homme, ce qui t'ôte. De la boue, tintinabule autour de toi, tu dois affronter ce que les boues ont mis en toi. C'est donc avec ta condition d'homme que tu renoues. Et tu retrouves ton ami Vladimir. Le vieux sage qui vous a mené. Fond de cale. Il est où le côté où j'ai dessiné les... À fond de cale. Dans l'antre de ce navire d'autrefois, où les eaux sont noires, un noir épais qui brûle d'un feu éternel. Celui que l'homme imprime sur le monde, un feu vivifiant qui noircit le monde. Un feu vivifiant qui troue la nuée. Arbore ton sigil, nous marchons maintenant au cœur de l'hiver. Ôte tes socs, sens la morsure du givre sur tes pieds. Il faut que toutes les scories... Mais j'ai des chaussures. Tu n'as plus tes sabots. Tu les as perdus dans les bouts du temps. Maintenant, tu marches aux côtés de Vladimir. Toi, le langage du bois. Le froid ne mord pas tes pieds. Mais mes pattes. C'est probablement pourquoi toi, la racleuse, toi, cette créature pandasque que redoutent beaucoup de riverains. Tu peux circuler librement dans le bois. car sa sève circule en ton corps. Tout est lent, mesuré, désormais. Que ressens-tu au-dedans de toi? Où est passé Barnabé? À côté de moi. Pareil pour Silhouette. Nous sommes une sorte de bande, une bande d'amis. Chacun a-t-il accepté le bois en son sein? Oui. Pour que vous soyez cette communauté? Silhouette avant, je me souviens, c'était mon ami, quand on était enfant. On s'amusait beaucoup, et il est devenu un écureuil, et je l'ai oublié. Et maintenant qu'il est revenu à ton bon souvenir, est-il toujours un écureuil ou simplement un gamin fantasque et rêveur? C'est un mélange des deux, comme moi. Je suis un mélange de Léonard et de Pandarouk. Et Albert, on ne l'a pas revu. Il m'énervait aussi avec ses gamineries. Et pourtant, les mots ont bien été portés par autre chose que le vent. Parler par... Bah, je sais pas, dis donc. C'est bizarre. Il ne reste rien de ton ami Albert? Oh, si. Ce dé, soi-disant maudit. La photo de son aïeul. C'est pas mon aïeul, c'est mon poupi d'abord. Et tu m'oublies bien vite. Hein? C'est moi qui vous trouve les endroits où l'eau elle est bonne. Où l'eau elle condamne pas à l'oubli. Vous êtes bien content de me trouver, moi et mon amie Marie. Et je continue de marcher tranquille. Avec le regard froid, quand il me regarde. D'abord, Albert, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a dit que tu avais le droit de nous regarder? Parce qu'il faudrait une autorisation à contempler le monde. Je suis libre comme l'air, car moi, je suis un fantôme au front troué. Et pas même la mort n'a réussi à me saisir. C'est pour ça que, quand je tous ceux qui m'agacent, eh ben... Il retourne au domaine des morts. Ça te fout pas les foies, ça? Non. Risquerais-tu mon toucher mortel? Je te rappelle que je suis aussi mort comme toi. Quoi? Si tu viens avec nous, tu nous promets de bien s'occuper de nous et pas de nous insulter. Je n'insulte personne. Les mots qui blessent, blessent parce que on a le cuir pas assez ranci, c'est tout. Alors... En tout cas, arrête de dire que tout le monde a des pupus de partout. Bah, c'est une réalité. Ça court partout, ça grouille dans le poil de ton ami l'homme des bois. Tu crois que je suis quoi? Je ne sais pas. Je suis aussi un homme des bois. À ce compte-là, j'en suis aussi. Mais ce qu'il nous faut trouver, c'est un havre où on ne nous sassera pas, où on ne fera pas de nous des Zézu-cuits. Cui-cui, Zézu-cui, cui-cui. Zézu, on a bouilli. fin de l'épisode. J'aimais la fin. Alors, qu'as-tu à dire sur cet épisode, Xavier ? J'ai bien aimé la fin. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'avant, j'étais un gamin, vraiment gamin. Et là, à la fin, j'étais en mode, pousse-toi de là. Ça faisait un peu les racailles dans les collèges, ceux qui sont hyper connus et tout. Est-ce que tu as trouvé qu'on était dans une forêt de mille veaux ou pas ? À la fin, j'avais l'impression qu'on était dans une plaine de neige. Qu'on était, j'étais en train de penser qu'on était sur l'endroit où j'ai fait du ski. Donc voilà quoi. À part si, il y avait de la forêt à côté, donc on était à côté d'une forêt pour moi. D'accord, mais est-ce que par ma question, j'entendais, est-ce que Milvaux était présent ? Est-ce que nous avons convoqué Milvaux dans notre, à ton sens, dans notre expérience ? Ouais. Mais moi, je voudrais bien continuer la partie avec les autres joueuses qui étaient avec nous. D'accord. Sur l'autre partie. Est-ce que... alors, tu dis cela en raison de quelque chose en particulier ou C'est pour leur montrer que moi, j'ai eu ce que je voulais. Je joue des animaux. Oui, j'aime bien jouer des pandarous, c'est trop mignon. Alors, enfin, il paraît que c'est violent avec leurs griffes. Ça peut être violent, oui, ça a des griffes acérées. J'ai vu une photo, il y en avait un qui avait ses griffes ouvertes, il était debout sur la neige, devant quelqu'un. Mais souvent, j'ai vu plus de photos de pandarous sur des arbres en train de se cacher dans les feuilles comme ça. Je suis cassée. D'accord. Et du coup, peut-être qu'ils mangent des feuilles, je sais pas. De fait, même si on a fait monter l'adversité, elle s'est pas vraiment manifestée, sinon au travers d'une espèce de choix imposé par un rituel. Et j'ai trouvé ça rigolo, le dessin sur les pierres, comme ça j'ai pu me défouler, comme ça je pourrais faire des dessins tout à l'heure. Ça m'a donné des idées. Oh, j'ai bien su. Est-ce que pour toi, le sigil que tu as tracé sur la pierre, est-ce que ça a été un moment particulier dans l'histoire quand tu as dessiné sur ton galet ? Oui. Alors c'est. Mais je comprenais pas le sens Des symboles ? Sauf. La sorte de vitre, ça voulait dire moutons en mésopotamien. J'ai vu ça en cours d'histoire. Donc, voilà. Pas nécessairement. Alors, si. C'est une interprétation que tu donnes. Donc, toi, tu leur prêtes un sens aussi. Mésopotamien. J'ai vraiment l'impression que c'est des sigles mésopotamiens. Vu qu'il y a le truc qui ressemble à mouton mésopotamien. Nous avons utilisé les larmes du soleil, un jeu écrit, alors pas dans le même contexte que celui prévu initialement, mais les larmes du soleil proposent de réinterpréter des signes qui ont été conçus de façon graphique par Valentin T. et Simon Lee. Et donc, on était dans une dimension symbolique. Et lorsque je t'ai fait l'injonction de dessiner les signes, est-ce que pour toi c'était une rupture de l'immersion ou tu étais toujours dans l'histoire ? Oui, justement, ça m'a plus mis dans l'histoire. Je me disais, ouais, je vais les écrire sur des post-it, etc. Non, on l'écrit vraiment sur des cailloux. Alors, donc, ça m'a... qu'est-ce que peut être le caillou ? Le galet que tu as posé, comment on pourrait considérer Ça pourrait être ma main et maintenant j'ai les sigles sur la patte. Oui, mais le caillou en lui-même, est-ce qu'il aurait on part du principe qu'on avait énoncé dans la règle de Sève, la durée du oui. Donc, les objets renvoient à des émotions fortes. Donc, toi, tu nous renseignes en disant que Léonard porte au creux de sa paume ce qui est figuré sur son galet de sigil. Mais le sigil, une fois que tu as gravé les signes dessus, ne penses-tu pas qu'il est quelque part et que quelqu'un pourrait le trouver ? Si, peut-être Marie, si elle passe là. Enfin non, elle était avec nous. Enfin, de ce que t'as dit. Enfin non, c'est petite. Petite ou Marie ? Moi, j'ai parlé d'une Marie. Ah, bah ça peut être Marie. Bah si petite passe par là avec le vagabond, etc. Elle pourrait retrouver le sigil et retrouver le chemin que tu as suivi avec tes compagnons, c'est cela ? Oui, et peut-être se rendre compte de notre état. Est-ce que ouais. La perspective de trouver un refuge pour votre communauté d'hommes des bois... Ça m'a plu, sauf qu'on aurait pu, vu qu'il m'empêchait de construire la cabane, et ben on n'a pas pu, on aurait pu déjà... C'était en un autre temps. Peut-être que construire une cabane avec d'autres, ce sera qui s'est passé ensuite. Ouais, on peut dire que, je sais pas, avec notre communauté, on a construit une cabane, une cabane où on peut jouer aussi, hein, ouais. Puisqu'on est quand même des animaux, on aime jouer, hein, s'entraîner par exemple. D'accord. Est-ce que tu aurais... Un refuge à noisettes. Est-ce que tu as d'autres réflexions sur la partie qui vient de se jouer ? Est-ce que tu as eu le même sentiment de liberté que lors de la partie précédente ? Oui. Et au début, j'avais pas compris que j'étais devenue un panda srouk. Je pensais que j'étais toujours un homme. Du coup, j'ai dit bah si, puisque j'ai une tenue militaire. Ah, c'était une proposition, libre à toi d'abonder. Mais quand tu m'as sens... dit bah non, t'es un panda rouk, je me suis dit ah oui, c'est bien ça, je suis content. Par contre, je vais devoir chercher des photos pour ce que je dois faire pour mon magazine pour le collège. Alors, as-tu quelque chose à ajouter à ce que tu viens de commenter sur la partie que nous venons de jouer ? Nope. J'en ai pas. Sans vouloir faire un classement, as-tu préféré cette partie à une autre ou Celle-là, je trouve que c'était ma préférée de toutes. Celle-ci particulièrement ? Oui, enfin, après celle avec Grenelle, etc. D'accord. Enfin non, les deux à côté. J'aime bien quand il y a des animaux qui sont pas morts. Enfin, on est un peu morts, mais voilà quoi. Qui sont toujours là, qui sont pas... Comme le chien dans la partie avec la fin et les messieurs qui faisaient et on les suivait et moi je parlais eh oh eh oh eh oh moi je suis là hein. Voilà. Eh bien merci.